Le cas était clair. Je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, lui dis-je poliment, il faut me suivre. » Elle me lança un regard, comme si elle me reconnaissait. Mais elle dit d'être résignée. « Marchons, où est ma mantille ?» Elle la mit sur sa tête, de façon à me montrer qu'un seul de ses grands yeux et suivi mes deux hommes, douce comme un mouton. Arrivé ce corps de garde, le maréchal des logis dit que c'était grave et qu'il fallait l'amener à la prison. C'était encore moi qui devais la conduire. Je la mis entre deux dragons et je marchais derrière, comme un brigadier doit faire en semblable rencontre. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord, la bohémienne avait gardé le silence. Mais, dans la rue du Serpent, vous la connaissez, elle méritait bien son nom par les détours qu'elle fait. Dans la rue du Serpent, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules, afin de me montrer son minois enjôleur. Et, se tournant vers moi, autant qu'elle pouvait, elle me dit « Mon officier, où me menez-vous » « À la prison, ma pauvre enfant, lui répondis-je le plus doucement que je pus, comme un bon soldat doit parler à un prisonnier, surtout à une femme. Hélas, que deviendrai-je? Seigneur officier, ayez pitié de moi. Vous êtes si jeune, si gentil. » Puis d'un ton plus bas, « Laissez-moi m'échapper, dit-elle. Je vous donnerai un morceau de la barlachie qui vous fera aimer de toutes les femmes. » La barlachie, monsieur, c'est la pierre d'aimant avec laquelle les bohémiens prétendent qu'on fait quantité de sortilèges quand on sait s'en servir. Faites-en boire une femme, une pincée râpée dans un verre de vin blanc, elle ne résiste plus. Moi, je lui répondis le plus sérieusement que je pus, nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes, il faut aller à la prison. C'est la consigne, et il n'y a pas de remède.